un documentaire de Christelle Lepolitec pour LSD, la série documentaire. À demain pour la deuxième partie. LSD, pour aujourd'hui, c'est terminé. Bibliographie, lien ou pour nous réécouter au printemps prochain, c'est sur la page de l'émission sur franceculture.fr. Et les pages, c'est Marie-Bona Bolivier, Mathias Mégy et Anne-Lise Signoret. Vous pouvez aussi nous podcaster sur l'application Radio France et ailleurs et nous suivre sur Twitter et même sur Instagram. Et pour toujours plus de documentaires, abonnez-vous à la plateforme Tank qui propose une sélection éclectique, rare et pointue de documentaires d'auteurs idéal pour le confinement. Demain, deuxième épisode, le feu aux poudres en France et en Allemagne. Mais en attendant, restez chez vous et restez à l'écoute.